Je profite de l'occasion pour dire ce que je pense des flics. Je libère mon opinion, moi je les trouve sympathiques et je veux leur rendre hommage. Je serai peut-être le seul, mais je trouve ça dommage qu'ils s'en prennent plein la gueule. Oui, moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Si je lance des fleurs au keuf, ça leur changera un peu. Des cocktails molotov et du mépris de ceux qui oublient que le quotidien des flics c'est de protéger jour et nuit la veuve et l'orphelin et tous les autres aussi. Et moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Moi j'aime bien les flics. Mais ouais. Je serai jamais complice de ces branleurs qui crachent sur les agents de police en gueulant mort aux vaches. Les lois qui nous font chier, mais c'est même pas eux qui les votent. S'acharner sur les policiers, c'est se tromper de révolte. Et moi, j'aime bien les flics. Moi, j'aime bien les flics. Moi, j'aime bien les flics. C'est pas du bluff. J'aime bien les keufs. Et du coup, monsieur l'agent, je me demandais un peu si exceptionnellement vous fermeriez les yeux. C'est vrai que je roulais trop vite, j'étais un peu pressé, et d'habitude j'évite de conduire bourré. C'est vrai que j'ai pas le permis, bah je sais que c'est pas bien, je ferai plus, c'est promis, j'en achèterai un demain. C'est une voiture volée, bon vraiment, vous en êtes sûr? Je pouvais pas deviner, moi j'y connais rien aux voitures. Et le propriétaire, ça serait le mec qui bouge plus sur la banquette arrière, bah je sais pas, je l'ai jamais vu. Il est mort, d'après vous, bah faut en profiter puisqu'on est entre nous, on pourrait s'arranger. Vous, vous faites un petit geste, vous me laissez partir tranquillos. En échange, je vous laisse toute la cocaïne gratos. Bon, c'est pas possible. Mais y en a pour un max de fric. Ah, vous êtes incorruptible. Ah bah ça c'est bien. Les flics.